Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. À quoi rêve celui qui rêve si fort qu'il crève l'oreiller? Celui qui voulait inventer un langage qui aurait, je cite, « un pied dans la réalité et l'autre dans le rêve ». Celui qui fabrique des chansons comme on écrit un film. Qui entrechoque les mots et arrange les cordes pour nous emmener le plus loin possible, en direction de Vénus et au-delà. Il y a 15 ans, je rêvais d'être Presley. Un très grand machin. J'ai du mal à m'en remettre. J'ai crevé l'oreiller. J'ai dû rêver trop fort. Aujourd'hui, je rêve. Quand je rêve, je m'imagine être assis devant un piano avec 150 exécutants et j'exécute un morceau classique génial. Et je suis très fort. Et j'ai une dextérité. Et les doigts coulent tout seuls et ça sonne super. Rien que des rêves de vétérans. On prend un bon sommeil et moi je tire à blanc. C'était peut-être un acte manqué. Je te vois rêver à des ébats qui me blessent. Maintenant que tu me parles de ça. Nage dans le goulag, je rêve d'évasion. À quoi ça sert à l'homme de gagner le monde s'il ruine sa propre vie? Dans ma conservelle, carton bouilli. Je ne serai plus ici après le concert. Tu vois ce sac là? Il y a une centaine de chansons, des milliers de mots, d'idées, de phrases. J'ai même pas le temps de les enregistrer. J'ai jamais entendu parler. Lève-toi et marche. Guidé par une étoile, première à éclairer la nuit. Bonjour Chloé Mons. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Merci. Vous êtes chanteuse, comédienne, vous êtes aussi la veuve d'Alain Bachung. Mm-hmm. On est très heureux de vous accueillir ce matin ici sur France Culture. Bonjour Dorian. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Merci. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Vous avez composé, écrit plutôt deux titres sur le dernier album d'Alain Bachung, un ouais. album posthume qui a reçu un prix cette année mm-hmm. aux Victoires de la musique. Ouais. Avec vous deux, nous allons parler d'Alain Bachung aujourd'hui pour terminer cette série d'émissions sur le rêve. Vous avez entendu le montage réalisé par Nicolas Berger, hein, le réalisateur de l'émission, avec beaucoup d'extraits de chansons de Bachung, d'extraits de sa voix. À croire que lorsqu'on entend parler de rêve, d'Elvis Presley, d'évasion, de jouer un morceau de musique classique devant une salle pleine, que le rêve dans son univers et dans ses chansons l'accompagne, mais quasiment depuis le début, non, Chloé Mons? Ah oui, oui, il parlait souvent du rêve, Alain. D'ailleurs, pour faire un disque, avant de rentrer vraiment en création, en écriture, il disait toujours, il faut que je trouve un petit rêve à raconter. Il faut que je trouve une image. Et souvent, c'était des images, d'ailleurs, mais comme dans ses chansons, c'est souvent plus des images que des jeux de mots, simplement. Et il avait besoin d'avoir une vision des choses pour pouvoir avancer vers ce rêve. C'était le point de départ. Ouais, ouais. Ça pouvait être n'importe quoi. Ça pouvait être une matière, du satin, un velours noir, je sais pas. Donc le rêve, chose, pas mais... au sens de quelque chose qu'il voudrait réaliser, mais d'une image qui le oui, hante. Oui, voilà, quelque chose qui donne le ton, comme ça. Un rêve qui donne le ton. Et c'était marrant, dans la présentation, à un moment donné, il parle de jouer du piano, et c'est vrai qu'il m'en avait parlé, et c'est comme ça que je lui ai offert son piano à l'anniversaire qui suivait. Je lui ai offert un piano dont il n'a jamais joué, mais dont moi je me suis mise à jouer par contre. Voilà. Dorian, à quoi rêve Alain Bachung? C'est étonnant ce que disait Chloé, c'est exactement ça, parce que quand j'ai travaillé un petit peu avec lui sur les textes pour ce dernier disque, il y avait une image très précise, toujours il partait d'une image effectivement, et notamment sur La Mariée. Il disait il faut qu'il y ait un petit village ou une rêverie dans le fond, dans la toile de fond, mm-hmm. comme ça. Et lui s'imaginait allongé comme ça, un peu rêveur. Donc La Mariée des Roseaux, c'est le titre de la chanson que vous avez écrite pour lui. Voilà. Et c'est vrai qu'il partait d'un tableau presque. Enfin, oui. J'ai l'impression, en tout cas dans ce cas précis, pour se projeter ou en tout cas se mettre en scène, un peu comme un presque, j'allais dire presque comme un comédien. Exactement. Mais même ça a accompagné, après ce rêve a accompagné toute la, bon, la gestation de l'album bien sûr, mais aussi comment il allait se présenter au public, comment il allait s'habiller, comment il allait... Moi je l'ai connu vraiment à la fin de Fantasy Militaire, et donc j'ai suivi tout ça, surtout sur l'imprudence, et c'était très beau parce que bon, il y a une image très forte d'ailleurs... Ouais, il y a vraiment une image de rêve pour l'imprudence, je trouve. De l'album, hein. Oui, oui, c'est un album à la fois crépusculaire, en même temps où il y a une image comme ça d'un homme extrêmement digne, presque d'une autre époque. Et je me souviens que voilà, il avait un rêve très clair de cet album, et ça se voit dans ces photos de Richard Dumas pour le disque, je trouve, hein, où c'est, tout est assez cohérent, et y a quelque chose de très mystérieux de cette pochette. Ouais. Oui, incroyable. On regarde droit et en même temps presque ailleurs. D'ailleurs, oui, c'est ça, comme s'il nous regardait d'un autre monde. Oui, parce que le rêve chez Alain Bachung, alors il a plusieurs dimensions, on va les explorer ensemble ce matin. Il y a le rêve d'amour qui est très présent, il y a le rêve poétique qui est tout aussi présent. Et il y a aussi ce rêve qui consiste à proposer quelque chose de cohérent. Le rêve chez Bachung est à la fois passe par un travail sur les mots, il y a une grande influence des surréalistes notamment, dans son travail, mais ce n'est pas simplement pour produire de l'absurde, c'est pour produire un sens qui n'est pas forcément devant lui, qu'il ne voit pas quand il ouvre les yeux sur le réel d'Orient. Absolument. Exactement. Moi, j'ai eu le sentiment qu'il était... Il adore le surréalisme, et en même temps, il était obsédé par la logique, souvent, des mots. Il y avait quelque chose de très, presque, j'allais dire, presque matheux, dans sa manière d'approcher la littérature. Il aimait le choc des mots entre eux, mais c'était quelque chose d'assez organisé. C'était justement pas une rêverie. Vous avez écrit la chanson ensemble ? Sur le... Pour La Mariée des Roseaux, par exemple. C'est sur le texte, surtout, de Nos Âmes à l'abri, qu'on a travaillé beaucoup ensemble. Et donc, comment ça se passe, quand vous écrivez ensemble, comment ça se passait? Vous lui proposez quelque chose? Il y avait beaucoup de silence, souvent. Alors, je laissais faire les silences. Il avait un comportement rêveur. C'est bizarre. J'avais un arrière-grand-père et un grand-père qui étaient bergers. Et qui étaient des hommes assez silencieux, comme ça, parce qu'ils passaient leur temps à rêvasser, quoi, avec leur bête. Et parfois, j'ai l'impression que, enfin, le regard d'Alain me rappelait le regard des bergers, un peu solitaires parfois, ou un petit peu, alors que c'est quelqu'un assez urbain, hein, au fond, mais il me rappelait cette solitude, et ou en tout cas cette réflexion. C'est pas comme s'il voulait rêver. Souvent, on se dit c'est pour échapper à la réalité. Lui, j'ai l'impression que c'était pas ça. C'était plus la voir autrement. Tout simplement. Il était dans une recherche de chercher une manière de mettre les mots ensemble pour que ça évoque quelque chose au-delà du sens premier des mots. Enfin. Et vous pensez que voir les choses autrement, proposer notre réalité, venait du fait qu'il n'était pas satisfait de ce qu'il avait devant les yeux ? C'est pas ça. Enfin, d'abord, je pense que tous les créateurs, le fait de créer, c'est forcément avoir besoin d'un rêve et d'un prisme pour rendre ce réel possible et vivable. Je pense que on est tous comme ça, hein, voilà, les créateurs. Je pense qu'on a vraiment tous cette recherche-là. Donc Alain aussi. C'était quelqu'un quand même de très terrien. Et là, quand tu parles des bergers, je suis pas d'accord. Je suis d'accord pour les bergers, mais je suis pas d'accord pour dire que c'était quelqu'un d'urbain. En fait, Alain, c'était quelqu'un qui était extrêmement planté dans l'essentiel, et donc même si il savait pas parler aux chèvres et les emmener paître, c'était quand même quelqu'un qui était beaucoup plus un paysan qu'un mec dans le showbiz, par exemple. Exactement. En tout cas, c'est ce regard-là que je ressentais. Ouais. Il savait très bien parler de son travail. Écoutez-le, c'était en 1985 dans l'émission La Bonne Mémoire sur France Inter. Je sais pas, chercher à expliquer des choses. J'essaye de raconter des trucs qui semblent complètement farfelus, et plus c'est farfelu et plus ça me plaît, et en même temps ça fait passer des choses importantes, je trouve. Mais j'ai envie de le sortir comme ça. Parce que d'une part, ça m'emmerde pas de le chanter, et je pense que le mec qui l'écoute éventuellement, s'il achète le disque, ça l'emmerde pas de l'écouter. Et s'il a envie de réfléchir dessus, bon, c'est pourquoi pas. Mais je pense pas qu'on soit là vraiment pour raconter des trucs importants. Je crois que des fois, il y a une phrase comme ça qui circule, qui peut être beaucoup plus importante qu'un discours de 10 pages. J'en suis complètement convaincu. Mais c'est pas pour ça qu'on fait avancer des choses. On est simplement une espèce de miroir à un moment donné. C'est-à-dire, comme dirait l'autre, on chante tout haut ce que les autres susurrent, je sais pas. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait briller. J'étais gant de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons d'Alain Bachung ce matin, Monsieur Rêve, dans le cadre de cette série d'émissions sur le rêve. Vous écoutez La Nuit, je mens, dans l'album Fantaisie militaire de 1998. Le texte est de Jean Fauque, avec Alain Bachung, évidemment. C'est une des chansons qu'on a le plus passées, j'ai dit, dans cette émission à Dorian et Chloé Mons. Alors ici, cette chanson fait écho directement à ce que disait Bachung. Alors c'est intéressant ce qu'il disait, parce qu'il disait, bon déjà... moi je prétends pas faire quelque chose d'extraordinaire. Si les gens veulent dire des choses importantes sur mes chansons, qu'ils le fassent, c'est pas mon travail. Et lui il dit, je pense que le farfelu est important. Et oui. Cette idée de saisir quelque chose qui paraît inessentiel, d'en faire une chanson, elle est déterminante, peut-être pour la chanson en général, en tout cas pour Alain Bachung, Chloé Mons. Oui, il aimait l'absurde, mais comme disait Dorian tout à l'heure, il y voyait aussi une logique. C'est-à-dire que c'était pas du tout du n'importe quoi d'écrire une chanson. Hein. Oui, parce que là, on entend les paroles, si on les décortique, on sait pas le sens qu'elles ont, et pourtant ça marche. Ouais, ça marche parce que lui, il sait très bien où il va. Ouais, et c'est ça la poésie. Voilà, lui, il sait très bien où il va, il sait très bien pourquoi il met tel mot. Etc. Après, il donne pas les clés, il donne jamais les clés, et il veut pas. Il voulait vraiment que les gens puissent y trouver ce qu'ils voulaient. Et je pense que c'est en ça que les chansons apparemment farfelues d'Alain parle finalement d'une façon très intime à chacun, parce qu'on peut y lire un peu sa propre histoire. Et il ne voulait rien fermer à ce niveau-là. Mais quand il dit une phrase, c'est parfois écrire une phrase c'est plus important qu'un discours de 10 pages, ça témoigne de l'idée très haute qu'il se fait de la chanson, du pouvoir même de la chanson. En même temps, un tube, ça fédère quand même énormément de personnes. Oui, ça met une pensée commune d'un seul coup à un endroit dans une société qui est très très très puissant. C'est quelque chose de très puissant, quelquefois plus que la politique où on est imperméable. Enfin, ça peut quoi. De rien. Oui, carrément. C'est sûr. Il y a un pouvoir que peut-être on sous-estime aussi, effectivement, des textes de chansons populaires ou de. Parce que moi, je vois Alain comme un chanteur populaire aussi, parce que je sais qu'il a une image très culturelle et parce que la qualité de son travail est là, mais aussi il est rentré dans le cœur des gens qui n'ont pas forcément les codes littéraires, culturels, etc. Je vois des gens de toute catégorie sociale qui aiment Bachung parce que c'est quelqu'un qui leur ressemble, ou ils le ressentent en tout cas. Et je pense que c'est très, très important ce que tu dis, c'est que effectivement Alain a comme ça une image un peu, d'ailleurs on parle de lui là, dans les chemins de la philosophie, donc quelque chose d'assez culturel, mais or Alain était vraiment le contraire d'un intellectuel, c'était par contre un cérébral, c'était quelqu'un qui réfléchissait tout le temps, qui était en réflexion permanente, mais cela sans code, sans référence, il s'affranchissait de tout ça. Ça l'intéressait beaucoup plus d'être libre dans sa pensée plutôt que de faire l'universitaire. Mmh. C'est là où il est Enfin, oui, c'est un parcours assez. Et pourtant, unique. Il y a une vraie dimension littéraire à ces textes. Et vous dites, voilà, il parle à tout le monde parce que c'est la poésie de cette chanson, mais il y a sans doute autre chose quand même. Comment vous expliquez que les textes qui sont parfois, encore une fois, qu'on les décortique, ils ne font pas sens. C'est-à-dire que c'est pas que les textes. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'arrangement, il y a la voix de Bachelot. Ah bah oui, tout cela contribue. Il savait ce qu'il faisait. Ouais. Il savait tout ce qu'il faisait, ouais. Tout ça, il le contrôlait, ça lui échappait pas du tout. Ah non, pas du tout, non. Ah non, pas du tout. Et lui, il comprenait pourquoi il y avait un tel succès. Non, il disait lui-même que c'était à chaque fois des miracles. Hein. Voilà. Mais donc oui. Il comprenait pas non plus complètement tout ce qui lui arrivait. Mais il savait qu'il savait le faire. Donc il disait, faut juste qu'on me foute la paix et qu'on me laisse faire. Je sais comment faire. Et de fait, il savait le faire. Ouais. Mais Dorian, vous qui écrivez des chansons, et vous n'avez pas écrit que des chansons pour Alain Bachon, vous en avez écrit deux dans son dernier album, je le disais, vous en avez écrit pour beaucoup de chanteurs contemporains. Est-ce qu'il y a une forme de recette? Enfin, vous savez quand une chanson va marcher? Vous savez comment faire? Non. Y a c'est pas toujours vraiment... un pari. En revanche, je pense qu'il y a des chansons qui nous échappent. Il y a un moment quand la chanson, on est en train de travailler dessus, puis il y a quelque chose qui fait que, entre le texte, un mot, un arrangement, il y a quelque chose qui fait que le titre nous échappe, les gens s'en emparent, et c'est ça, une chanson qui va avoir son écho populaire. Ou en tout cas, une vraie résonance. Mais après, ça, c'est du travail, beaucoup. Et contrairement au côté un petit peu abstrait qu'on peut imaginer des paroles d'Alain, c'était quelqu'un qui partait toujours... Enfin, en tout cas, je parle uniquement de mon expérience sur les deux chansons, mais on avait travaillé quand même pendant un an, en plusieurs fois, mais c'était sur une année. Il partait de choses très concrètes. C'était pas du tout quelque chose de farfelu ou d'abstrait. On partait vraiment d'une idée très précise qui était... comme un tableau, comme on pourrait revenir à ce qu'on disait Chloé au départ. Et c'était après quelque chose... C'est comme si finalement il essayait de compliquer ou de masquer un petit peu quelque chose de très simple, mais pour le rendre, voilà, peut-être plus étrange. Voilà. Alors on peut prendre un exemple avec une des chansons que vous avez écrites pour lui, par exemple La Marie des Roseaux. Mm-hmm. Est-ce que vous voulez qu'on l'écoute et vous en parlez? Vous voulez en dire deux mots et après on l'écoute? Avec plaisir. D'abord on l'écoute? Ouais, avec plaisir. Laissez la mariée brûler sa traîne, envoyer valser l'énergumène, un vol d'épervier trace au fusain un profil perdu, serait-ce le mien? Dans l'herbe étendue, je la revois dans ses pieds nus, m'ouvrir ses bras, il lui faudra du danger dans sa vie rangée, elle en aura, elle oubliera vite. L'heure des prières pour quelques rêveries d'étagères le long de sa traîne. Et les voilà, les rêveries, ce sont des rêveries d'étagères, Dorian, ici. Alors comment ça... Là, on voit quelque chose, la mariée des roseaux. Le titre peut paraître abstrait, parce qu'on n'imagine pas une mariée avec des roseaux. Et là, c'est très visuel. On voit cette mariée, on l'imagine avec sa traîne, justement. Et comme le dit, comme le chant de Bachung, il lui faudra du danger. L'image, c'est une mariée qui va peut-être pas être satisfaite de sa vie de mariée. Exactement. Il le sait. Et finalement, il l'accepte. Et parce que c'est le marié qui chante. L'époux, le futur, non, disons que c'est celui qui n'a pas eu la mariée. Quoi. Disons, il la voit de loin se marier avec quelqu'un et il pense. Après, on peut l'imaginer comme on veut, hein, ce texte. Mais c'est un peu comme la rêverie de, enfin, le rêve de quelqu'un qui voit quelqu'un prendre un chemin. Il se dit, c'est pas le bon pour elle, mais je laisse faire. Et en regardant les choses se faire, ça lui permet de rêver à ce que ça pourrait être autrement, peut-être, ou comment pourrait être sa vie autrement. Donc c'est un regard assez sage, assez presque fataliste sur la situation de cette mariée qui va se ranger. Et en même temps, avec beaucoup de tendresse et de sagesse par rapport à ça, et de force. Et là, quand vous avez écrit ça avec Alain Bachung, c'est lui qui propose une image, c'est vous qui proposez l'image? Alors, je suis arrivé avec cette idée de texte de la mariée. Il y avait une première qui est cette version-là. Ouais. Mais au départ, il voulait quand même la trahir, cette mariée. Il me disait, il faut qu'on la trahisse un peu. Et je suis parti. Et c'est vrai que quand je venais aux séances pour travailler avec Alain, souvent Chloé était ici, évidemment. Et j'étais aussi dans cette atmosphère. Je rentrais dans la vie d'un couple, parce que je travaillais sur la table de la cuisine, vous. Mmh. Et donc je rentrais un peu dans une forme d'intimité de votre couple. Et forcément, ça m'a inspiré pour cette chanson. Et il me disait toujours, cette mariée ne me quitte pas, cette mariée ne me quitte pas. Et Alain, on avait aussi plein de choses qu'on mettait de côté. On a travaillé sur plein de textes qu'on n'a pas gardés. C'est la chanson qui ne le quittait pas. C'est la chanson qui la mariée ne me quitte pas. Voilà. Voilà. Ça s'entend de différentes manières. Cette mariée, il me parlait toujours de cette mariée, parce qu'on travaille sur plusieurs textes à la fois, mais il disait toujours, elle ne me quitte pas. Donc, j'ai essayé de la trahir un peu. Je l'ai même fini en squelette. Elle a fini en squelette dans la chanson. Elle tournait sur elle-même et elle finissait par perdre sa robe et sa traîne et tout. Et puis, au final, quand on est arrivé à ce stade de presque là pour le coup presque trash, presque cinématographique de Tim Burton, presque, on est revenu à la pureté du premier jet. Ouais. Et ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'Edith Fambuena a réalisé ce disque, le dernier, et qu'elle a réalisé La Mariée des Roseaux, elle a fait exactement la même, sans le savoir, elle a fait exactement la même chose. C'est qu'elle a commencé par habiller cette mariée de toutes les robes possibles avec sa guitare, c'est-à-dire des robes extrêmement meringues, des robes rock'n'roll, des robes de tous les... Et pour finalement laisser cette mariée en nuisette, c'est-à-dire juste une guitare très douce, très pure. Ouais, la voix. Et le texte, voilà. Et ce qui est étonnant, c'est que la même démarche... Enfin, il y a eu la même démarche pour l'écriture du texte que pour l'arrangement à la fin d'Edith. Et c'est peut-être ça aussi, quand on parle de rêve autour d'une chanson, c'est qu'on cherche tous à atteindre, peut-être que ce soit Edith dans son travail sur les arrangements, tout comme moi j'essayais dans le travail de l'écriture d'amener ce qu'on cherche un petit peu, c'est-à-dire ce rêve dans une chanson. Vous assistiez au processus d'écriture, Chloé Mons, oui, à chaque fois? Oui, oui. Ah oui, oui, bah, de toute manière, on vivait de musique, hein, d'amour et de musique. Et est-ce que vous arrivez, comment le processus s'enclenchait? Se disait, tiens, j'ai une idée, je vais écrire une chanson, ou tiens, il y a une phrase qui vient, comment ça se passe? Ah oui, c'était, alors quelquefois, il écrivait, dans le meilleur des cas, il écrivait un mot, quelquefois deux mots, puis quelquefois, il n'y avait rien, c'était juste dans sa tête, c'était quelqu'un, donc comme je l'ai dit, très cérébral, donc il réfléchissait tout le temps, il pouvait rester... Mais vraiment, il avait quelque chose de minéral, hein, Alain. Il pouvait rester une journée entière à fumer des cigarettes en regardant dans le vide, hein. C'était vraiment quelqu'un de très intense dans ses silences, très intense comme ça dans sa façon d'être. Et très belle d'ailleurs, c'était magnifique. Donc parfois c'était un mot jeté sur un papier, et puis parfois c'était juste rien. Mais bon, alors moi je l'ai vu beaucoup travailler avec Jean Faulque, par exemple. Parce que voilà, ils avaient une collaboration très longue et c'était des séances épiques qui étaient très drôles à voir, hein, d'une certaine façon. C'était un peu un western. Ils étaient tous les deux silencieux autour de la table. Ils fumaient des cigarettes. Ils buvaient soit du coca, soit du café. Et c'était Jeannot qui tournait en rond autour de la table. Et puis d'un seul coup, il donnait une feuille à Alain, qui l'a regardé longuement, très longuement. Parfois, c'était vraiment de très longues minutes. Et d'un seul coup, Alain va aller souligner un mot. Et donc, Jeannot reprenait la feuille et c'était reparti pendant 2 heures. Et c'était des après-midi comme ça. Donc, mot après mot. C'est exactement ce qui s'est passé sur le même abri. Ouais. Mmh. J'avais apporté un texte dont j'étais plutôt content. Et puis, il a pris son stylo, il a entouré mon âme à l'abri. Il m'a dit, j'aime bien ces mots. C'est tout. Et donc, je suis reparti de ça pour refaire une chanson. C'est étonnant ce que tu dis, je savais pas. Mais c'est vraiment le processus. Je parlais de l'influence des surréalistes. D'ailleurs, il a chanté une chanson de Robert Desnos, hein. Oui, oui. C'est vraiment ce procédé qui consiste à prendre un mot qui parle, peut-être un autre. Alors, parfois, les faire s'entrechoquer au hasard. Et chez Bachung, évidemment, c'était pas du hasard. Mais c'est vraiment une attention à chaque mot en lui-même, avant le sens global. C'est comme ça que ça fonctionnait. Oui, sauf que lui, il savait où il allait quand même, à c'est chaque ça. Fois. C'est pas, il tirait pas au sort dans un chapeau. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Mais pour tout, hein, d'ailleurs, je pense que c'était quelqu'un extrêmement terrien, comme je l'ai dit tout à l'heure, extrêmement concret. C'est-à-dire que, bien sûr, que c'était un créateur, mais il n'avait pas du tout l'aspect éthéré des créateurs, à faire un peu des choses. Enfin, c'était pas, il n'y avait pas de folklore, quoi. Et, et dans l'amour non plus, il était très, parce qu'on parle de marié, etc. Mmh. Mais et je connais bien ce domaine, mais c'était quelqu'un d'extrêmement concret, pas du tout dans les paroles d'amour, gna, c'était quelqu'un, non. Et, ben voilà, il aimait, il épousait. C'était quelqu'un de, qui faisait, qui était très, très terrien, et très pour, tangible. Exactement. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, il avait pas de, comment dire, de snobisme par rapport à des chansons très simples, populaires parfois. Ah ben parce sûr. Que même quand on parlait de la mariée, il me prenait en référence des chansons comme Céline de, du Gaufret. Ou, ah, il adorait cette chanson. Voilà. Et ça m'étonnait. Il m'a même évoqué un jour prendre un enfant par la main de Dutheil parce qu'il aimait ce sentiment pur. Et il y avait, où il y avait justement pas de phare ou quoi, ni quoi que ce soit. Et j'étais tellement étonné, moi, de ces références-là venant de lui. Parce que moi, j'avais plutôt tendance en me disant, tiens, tu vas essayer d'écrire pour Alain Bachon, il faut que tu compliques beaucoup les choses. Ouais. Faut pas être trop simple. Et au final, moi, je suis arrivé avec mes choses assez complexes dès le départ. Et c'est lui qui m'a demandé de les éclaircir au maximum, bien finalement. Sûr. Le processus est fait à l'envers. Alors, les images, parfois, vous l'avez dit, composent toujours à partir d'images. Mais parfois, ces images viennent du texte lui-même. Et c'était le cas pour cette chanson qu'il n'a pas composée, mais qu'il a interprétée avec vous, Chloé Mons. C'est cette chanson a une histoire qui vous appartient, que vous nous direz. On va entendre quelques notes avant. Comme un lys entre les ronces, voilà mon ami, entre les filles. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, voilà mon amour entre les fils. J'ai envie de son ombre, oh m'asseoir, son fruit si doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. Il y a une enseigne au-dessus de moi, c'est amour. Redonnez-moi des forces, oui, des gâteaux de raisin. Encore des forces avec des pommes. Oui, je suis malade d'amour. Sa main gauche tient ma tête et sa droite m'enlace. Par gazelle et biche des champs, je vous prie, fille de Jérusalem, ne réveillez pas. Ne réveillez pas amour avant envie. C'est sa voix, le voilà, c'est mon amour qui vient d'un saut au-dessus. Peut-être aurez-vous reconnu les paroles du Cantique des Cantiques, hein, de l'Ancien Testament de la Bible, et votre voix, Chloé Mons, que l'on entend donc chanter en duo avec Alain Bachung. Comment vous êtes-vous retrouvée à chanter ce texte-là? En plus, sur scène, vous l'avez aussi interprété sur scène. Oui, oui. Une version qui dure de... Il y en a une version qui dure plus de 20 minutes. Plus hein, de 20 ça minutes, oui, ouais. Le disque dure plus de 20 minutes. Tout simplement en se mariant. Donc voilà, on voulait se marier. Et c'est vrai qu'on, lui comme moi, on est des mystiques. Donc des athées, mais mystiques. C'est-à-dire? C'est-à-dire avec un sentiment très fort lié au sacré. Voilà, l'amour est lié au sacré, clairement. On rigole pas avec l'amour. Alain ne rigolait pas du tout avec l'amour. Je ne rigole pas du tout avec l'amour non plus. Donc mariage. Et ne pas rigoler, ça veut dire se marier. Oui, mais c'est beau, c'est magnifique. J'adorais me marier. Et donc, voilà, on est allé voir le curé du village, où mes parents ont une maison. Et on lui a expliqué tout ça, qu'on croyait pas du tout... en Jésus-Christ et tout ça, mais qu'on croyait en l'amour, en la beauté des choses et voilà, et qu'on voulait faire un acte si vous pouvez nous accueillir dans son église. Et il l'a fait, c'était un curé magnifique. Et on a proposé donc le Cantique des Cantiques. Et après, quand on l'a réécouté, on s'est dit, putain, c'est vraiment beau, on devrait le sortir en disque. Et voilà, c'est sorti en disque. Et pourquoi ce texte en particulier? Bah parce que c'était à la fois, évidemment, ça parle d'amour et ça parle aussi d'amour charnel, très clairement. Donc ça nous intéressait. C'était notre vision de l'amour aussi, un homme, une femme. Là aussi, c'est pas éthéré, ça se passe entre les corps. Et je pense que ça nous ressemble bien, lui comme moi. On est des sagittaires aussi, on en parlait souvent de ça, d'être sagittaire, d'être à la fois extrêmement, c'est des centaures, donc extrêmement terrien et à la fois complètement perché à viser les étoiles, ça nous ressemblait bien. Voilà, et après il y a eu la rencontre avec Olivier Cadio qui venait de faire une traduction qui était chantable, parce qu'en vers, et voilà, ça s'est fait tout seul, ça s'est fait simplement. C'est-à-dire que dans votre vie, comme dans celle des chansons d'Alain Bachung, il y a cette rencontre entre une grande poésie et une grande importance accordée au corps, oui, au charnel. Et il y a les deux. Oui, absolument. Et au réel, en fait. Au réel, on est quand même sur Terre pour être incarné, pour vivre des choses. Et tout ça, il faut le vivre. Enfin, ça, c'est voilà, c'est du vrai, c'est des coups de téléphone, c'est des rendez-vous, c'est pas que un rêve d'amour. Alors, c'est là où Alain n'était pas que dans le rêve. Mm-hmm. C'était quelqu'un d'extrêmement concret. Il savait que la vie se construisait, se vivait, et c'était quelqu'un de très épicurien en même temps. Quelqu'un qui aimait manger, c'est quelqu'un qui aimait boire. Il a beaucoup trop bu d'ailleurs pendant très longtemps. Il a beaucoup trop fumé, mais tout ça aussi avec beaucoup de plaisir. Oui, il y a du plaisir derrière. Oui, ça. Oui, beaucoup de plaisir. À vivre. Dorian ? Oui, parce que je revois quelques images aussi en t'écoutant parler, mais et j'aimais son humour aussi. Il avait quelque chose de très, il avait une espèce de côté pince sans rire comme ça. Il glissait des petits et j'aimais vraiment son regard. Et pour finir sur le rêve, en tout cas de ce que tu disais, je trouve que souvent quand on fait des rêves, on veut toujours les expliquer. Comme si finalement le fait de rêver fallait absolument trouver une explication, quoi. Des significations. Voilà. Voilà. Et je trouve que lui dépassait ça un petit peu dans le sens où il partait de choses très concrètes dans l'écriture, très voilà, très très basique. Et après c'était une manière de rendre cette image comme si c'était une image rêvée peut-être. Et c'est pas forcément du fantasme. Non, c'est mais rêve juste au sens d'idéal ici. Voilà. Comme une quête de quelque chose. Et c'est aussi ces longs silences qu'il y avait aussi. Je pense que c'était aussi des silences propices aussi à une forme de rêverie ou en tout cas de pouvoir s'échapper de la réalité, mais sans forcément la fuir. C'est juste s'en extraire un peu pour la regarder autrement. C'est juste comme que je voyais. Ah, mais complètement. Exactement comme quelqu'un qui fabriquerait, réaliserait un film. C'est en tout cas Alain Bachung lui-même qui fait cette comparaison. Oui. Écoutons-le. Quand je fabrique un disque, j'ai vraiment l'impression de faire le réalisateur avec une idée globale, avec des acteurs qui seraient les musiciens et des techniciens. Pour avoir une vue d'ensemble, une humeur précise, des complémentarités ou des limites aussi pour ne pas utiliser tel ou tel instrument, en choisir d'autres. Je me vois plutôt comme ça, plus un catalyseur, parce que je suis pas très, je sors pas du conservatoire, hein, donc je m'exprime par comme je peux. Hein, c'est dans le choix, voilà. Donc c'est comme un. On peut choisir un musicien comme on peut choisir un acteur. On sait que il a l'âme pour ça, pour telle ou telle histoire. Et dans les chansons elles-mêmes, il y a parfois des petites scènes hein, qui se succèdent. C'est la vitesse de l'esprit, en fait. On pense des choses très différentes en une fraction de seconde, des fois. Des images, des personnages qui interviennent, et d'un seul coup, une pensée. Enfin, tout ça... C'est assez rapide et ça se mélange. Et parfois, ça apparaît dans une chanson telle qu'elle. J'essaie de le traduire telle qu'elle. J'ouvre les yeux, j'ouvre les rideaux. Il a plu. Petit matin à Marrakech. Le jardin, les palmiers mouillés. Étrange première nuit ici. Vers minuit, réveil, assez angoissé, 2000 ex-2000 pour replonger. Ce matin, ma première pensée a été de téléphoner à Alain. Cœur et gorge serrés de ne pas pouvoir le faire. Il n'était pas toujours dans mes voyages, mais il était là au téléphone pour mes récits et les baisers échangés pour continuer. Il y a des moments bizarres où je suis prise d'une envie de dormir irrésistible, et même ma conscience a ce désir de s'évanouir, comme une façon de le retrouver. Je me pose des questions sur cet état. Est-ce une réaction biologique à la perte de quelqu'un? Ou est-ce Alain qui vient m'envahir, me prendre, m'accaparer dans mon sommeil? J'ai eu très fort cette impression hier dans l'avion. Assise, j'étais happée. Mes yeux se fermaient, mes bras se vidaient, et j'étais heureuse de décrocher du réel, comme pour un rendez-vous. Les lignes que je viens de lire sont de vous, Chloé Mons. Mm-hmm. On les trouve dans un texte que vous avez publié qui s'appelle Let Go, aux éditions Mediapop, qui raconte les dernières heures, derniers jours, dernières heures de la vie d'Alain Bachung, sa mort, son enterrement, la façon qu'il a de vous accompagner ensuite. Et ce texte en particulier est très évocateur parce que, déjà, vous dites vous-même que l'état dans lequel vous vous trouvez est presque celui qui conduit à basculer de l'autre côté, Alain Bachung vient de vous quitter. Et puis, il permet de réfléchir aussi, est-ce que le rêve, la soif de rêve et l'univers du rêve n'est pas déjà aussi une manière parfois de se préparer à la mort? Il y a un si, peu les je, deux. Je pense d'ailleurs, je parle donc des dernières heures d'Alain, et c'est vrai que pour beaucoup de gens qui vont mourir, il y a une phase un peu délirante où... des mots viennent un peu n'importe comment, des visions. Il y a une espèce de sas délirant. Je pense que c'est pour quitter en douceur le réel. C'est comme un filtre qui fait que c'est acceptable. Pas de venir, pas que ce soit trop douloureux, je pense. Oui. Est-ce que la mort l'accompagnait beaucoup dans sa pensée? Dans ses textes, pas tellement? Non, c'était quelqu'un de très très vivant, très amoureux de la vie, qui donnait beaucoup de prix à tout ce qu'il y avait à vivre. C'est pour ça qu'il faisait pas n'importe quoi, il vivait pas n'importe quoi. Après, moi, je l'ai quand même accompagné dans une maladie qui a duré 2 ans, donc là, pour le coup, la mort existait, elle planait quand même. Mais paradoxalement, ça nous a donné énormément de vie et d'envie de vivre. Et on a vécu ces dernières années, on était sur les routes, on se quittait pas, on a vécu des grands moments de bonheur et de... Ouais. Là, on était dans une conscience pure de ce que c'est que la vie, de ce bonheur que c'est, et qu'il faut pas gaspiller ça. Il fallait tout vivre très fort. Et la chanson vient accroître ce bonheur? C'est un exhausteur de bonheur? L'art, en général, je crois que oui. Moi, je le vis comme ça, mais je trouve que c'est extraordinaire. Et puis, effectivement, que ce soit avec des images surréalistes ou quand quelqu'un s'exprime d'une façon plus simple, de toute manière, c'est toujours d'écrire des émotions, ce qu'on sent, quelquefois juste l'atmosphère qu'on a autour de soi. C'est quand même un hymne à la vie créé, je pense, oui. Dorian, quand on rebondit sur les mots écrits par Chloé Mons, mes yeux se fermaient, mes bras se vidaient, j'étais heureuse de décrocher du réel, comme pour un rendez-vous. C'est exactement le même processus que pour l'écriture des chansons, c'est que la réalité était tellement peut-être difficile à Paris après l'enterrement d'Alain, et que tu t'es extrait de cette réalité-là, mais sans la fuir, parce que tu avais rendez-vous. C'était comme un rendez-vous là-bas, ailleurs, où peut-être tu te sentais peut-être plus... et c'est ça qui est joli dans les mots. C'est que c'était comme ce premier réveil à Marrakech, il est plus là, t'as envie de l'appeler, mais le rendez-vous est là, parce qu'il est encore plus près, alors que tu t'es extrait aussi de la réalité qui était dure. Et ce processus du rêve, c'est un peu ça, mais dans plein de domaines, c'est-à-dire que ce soit l'écriture, que ce soit la dureté de la vie, d'accepter la mort, c'est compliqué. C'est pour ça que sans doute on a besoin tous de se raccrocher. Et c'est marrant à des religions ou à des choses, enfin en tout cas pour accepter l'idée de qu'on va mourir, tout simplement. Bien sûr. Et Nos âmes à l'abri, cette chanson, quand on parlait de la mort, c'est quand Alain a fait entourer Mon âme à l'abri, ça évoquait aussi la mort, en tout cas le chemin de la condition humaine, de ce que c'est que se mettre toujours à l'abri, toujours chercher un refuge, que ce soit la religion, quand on parle du Seigneur dans la chanson, que ce soit une maison, la maison fleurie, votre maison en l'occurrence, et que ce soit aussi la dernière demeure, quoi, en fait. Mais toujours se dire, Il faut qu'on mette nos âmes à l'abri, parce que c'est ce qu'il y a de plus pur, de plus fragile. Oui. Ça rejoint le sens du sacré dont je parlais tout à l'heure. Vrai. Mais décrocher du réel, on peut le lire en deux sens, parce que décrocher du réel, ça peut aussi être tourner le dos au réel quand il nous fait trop souffrir. Les chansons dont on parle aujourd'hui, celles d'Alain Bachung, n'avaient pas pour fonction de nous décrocher du réel, mais vous l'avez dit, au contraire, de nous ancrer davantage dans le réel. C'était peut-être plutôt... c'est jamais, je pense que chez Alain, c'est jamais pour fuir le réel. C'est plus peut-être pour le transcender, pour l'élever. En fait, voilà. Pour le décrocher, tout simplement. Comme on décroche la lune, quoi. Oui, exactement. Et aller plus haut, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et alors, je voulais revenir aussi sur l'idée du cinéma, parce qu'il en parlait tout à l'heure. Et moi, dans mon livre, je parle beaucoup d'un film que je lui avais fait découvrir et qu'il a beaucoup, beaucoup regardé, surtout à la fin de sa vie. Mais c'est vrai que, par rapport au rêve, le cinéma était très important chez Alain. De quel film parlez-vous ? Les aventures de Madame Muir, de Mankiewicz, qui est un film merveilleux et que je lui ai fait découvrir au début de notre histoire. Et c'est vrai que c'est devenu un peu, comme je dis, notre classique, mais c'est vrai. Et à la fin de sa vie, il le regardait plusieurs fois de suite, par nuit, en boucle. Je te confirme parce qu'il me l'a fait acheter, ce DVD. Le fantôme de Madame Muir, c'est ça. Et on a écrit une chanson, on avait commencé une chanson qui s'appelait Le Fantôme. Et il m'a dit, tu devrais voir ce film, etc. Et j'avais adoré ce film que je connaissais pas. Ah, c'était une obsession, c'est une obsession. Il le regardait tout le temps. Plus largement, en tout cas, le cinéma était une source d'inspiration chez Alain et de rêve, là, pour le coup, très très forte. Alors, il disait toujours, non, je veux voir des films en noir et blanc. C'était le noir et blanc. Et parce que là, pour le coup, c'était décroché du réel, je pense. Et pourtant, il était daltonien. Et il regardait énormément de vieux films. Est-ce qu'il y a un lien entre Madame Muir et Madame Rêve ? Pas du tout, parce que Madame Rêve, c'était fait avant. Ouais. Et Madame Muir, c'est moi qui lui ai fait découvrir. En tout cas, d'une madame à l'autre, voici la chanson que vous attendez depuis le début de cette émission, Madame Rêve. Le début du texte est lu par Georges Clès. Écoutez la parole, le texte lui-même, et ensuite la façon qu'elle a, la chanson, de s'inviter dans le texte. Madame Rêve d'atomiseur, et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame Rêve d'artifices, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle au ciel, au ciel. On est loin des amours de loin. On est loin des amours de loin. On est loin des amours de loin. On est loin. Madame rêve ad libitum, comme si c'était tout comme dans les prières, qui emprisonne et vous libère. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs. Rêve de fougères, de foudres et de guerres, à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle au ciel. Au ciel. Dorian, cette madame qui rêve, c'est un peu la précurseur de La Mariée des Roseaux. Hein. C'est un mélange entre cette mariée et peut-être Emma Bovary, une madame qui rêve d'une vie qui enfin pourrait l'étreindre et la prendre pour de vrai. C'est vrai, j'avais pas fait le lien. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est vraiment cette madame qui rêve, c'est surtout une madame qui fantasme. En tout cas, c'est plus le. En fait, elle rêve plus de. Plus de l'objet de ses fantasmes, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'en fait, les cylindres, les fusées, on est très clairement dans quelque chose d'assez cul et un vrai fantasme. Et c'est très beau parce qu'il est encore une fois, il est celui qui la regarde avec, comme tu disais, le fait qu'il regarde cette femme, c'est comme un portrait. Ouais. Et il y a même un peu d'ironie presque dans ce Madame Rêve parce que c'est comme s'il a le sentiment qu'elle n'arrive pas à trouver ce qu'elle cherche ou qu'elle est juste elle essaie d'atteindre quelque chose et qu'il y a une espèce de... Comme si elle avait choisi une mauvaise voie, qu'elle rêve de vivre ça. Qu'elle ne vivra pas ça, quoi. Exactement. Ouais. C'est presque une défaite, en fait, dans cette chanson. C'est tous les fantasmes qu'elle n'assouvira jamais. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça qui est beau. On va écouter un dernier extrait de la voix d'Alain Bashung. On remonte dans le temps, parce que je voulais pas que pour cette émission on propose une explication uniquement biographique des textes d'Alain Bashung. Cela dit, il en a parlé et il fait un lien entre la période pas très heureuse qu'il qualifie avec comme étant très ennuyeuse de son enfance et de son adolescence et le rêve qui est quand même le sujet de cette émission. Alors voici un dernier extrait où il parle de sa marraine qui est la seule qui l'a fait un peu rêver. J'ai pas beaucoup de souvenirs de ces années-là. Je sais que j'avais des tas de problèmes de santé et j'étais élevé plus ou moins par une marraine. Mes parents avaient toujours des problèmes, c'était pas ça. Ma marraine, elle habite à la campagne maintenant, elle vit avec un mec et... En fait, j'avais souvent des contacts avec elle parce que... Elle me faisait rêver un petit peu, elle me faisait sortir de cette vision trop HLM. Elle connaissait quelques mecs qui bossaient à la télé, je trouvais ça fascinant. C'était ma seule planche un petit peu fantaisiste. Bon. Chloé Mons, le moins qu'on puisse dire, c'est que pour Bashung, il n'y a pas une nostalgie de cette période-là, une nostalgie de l'enfance. Non, ni de l'enfance, ni de l'adolescence, non, c'était très très dur. Hein, donc, et d'ailleurs, mais... Je pense que ça a été pour beaucoup dans son sens, dans son lien au rêve. C'est-à-dire que cette enfance tellement dure, il y a échappé en rêvant beaucoup. Il faisait du vélo et il pédalait en Alsace en laissant son esprit. C'est ça, donc il est à Paris, mais finalement il va vivre en Alsace par sa grand-mère. Voilà, il est élevé par sa grand-mère en Alsace, dans un tout petit village. Et je pense qu'il a énormément rêvé... Voilà, en écoutant les radios allemandes, bon, ça a été dit mille fois, mais c'est vrai, c'est vraiment vrai. Et ensuite, il est rentré à Paris adolescent et ça n'a pas été très joyeux non plus. Donc c'est vrai que cette marraine a été importante. Et c'est l'introduction du rêve pour lui, c'est-à-dire que le rêve, en premier lieu, c'est quelque chose dans lequel il pourrait être heureux. En fait, concret, c'est ça. Là aussi. Concret. Ça devient concret, absolument, toujours. Ouais. Le rêve devient concret. C'est là où ça devient un rêve intéressant pour Alain. C'est ça, mais c'est là où ça devient aussi quelque chose qui est lié au bonheur, puisque jusque-là, avant cette marraine, hein, c'est ce qu'il dit, il y a quelque chose, il y a comme il le dit ailleurs, hein, c'est d'abord de l'ennui, il dit, la vie à la campagne, la vie au grand air, moi je me disais qu'il y avait, devait forcément y avoir autre chose, disait-il, le plus terrible dans tout ça, c'était l'ennui. Et oui, bien c'est sûr. Ça. Et donc le rêve, et c'est le rêve d'une vie où on ne s'ennuie pas, donc d'une vie concrète, d'une vie réelle où il se passe quelque chose de rien. Ouais, et puis aussi cet ennui, c'est sans doute ce qui a aussi créé en lui tout l'espace pour créer. Il faut s'ennuyer pour créer. Je pense que l'ennui peut être assez fécond, ouais. Je pense parce que c'est propice à la rêverie aussi. Justement, ça permet juste de. Et puis, je pense que c'est aussi quelqu'un qui doutait, hein, Alain, beaucoup. Trouve, sur les textes. Il pouvait passer 8 jours sur un mot. Et moi, ça m'épuisait aussi. et c'est vrai que c'est aussi se donner ce temps-là, cet ennui quelque part, parce que c'est un vrai ennui de douter pendant 8 jours sur un mot. Mais c'est pas pour rien. Bah non, en fait, quand on doute, on s'ennuie. Le doute préoccupe, angoisse. Non, parce que je pense que quand on doute, c'est qu'on sait ce qu'on veut atteindre. Ouais, c'est ça. Faut aller au bout du doute. Voilà, faut y aller au bout. C'est vrai, il y a quelque chose comme ça. Mais l'ennui, vous dites il faut s'ennuyer pour créer, et en même temps, tout ce que vous dites, Chloé, du rapport d'Alain Bashung au travail, n'était pas nimbé d'ennui, au contraire. Non, pas du tout, mais je suis d'accord avec Dorian sur le fait que s'ennuyer, pour les créateurs, il faut quand même des moments d'ennui. Je pense que c'est très... c'est plein de rebondissements. Parce qu'à un moment donné, on prend les choses en main et il faut qu'il se passe quelque chose, quoi. Il faut qu'il se passe quelque chose et donc on crée cette chose qui se passe. Parce qu'on finit par s'ennuyer soi-même. Voilà. Quand on n'y arrive pas. Donc voilà. Après, Alain a été constitué de cet ennui dans son enfance. Donc je pense que ça va. Il en avait pas besoin de plus. Mais ça a été fondateur certainement, effectivement. Ouais. Et je crois savoir. Voilà. J'avais entendu aussi. Je crois que il avait aussi un instrument. Je sais plus si c'était l'harmonica ou quelque chose, mais il n'avait pas le droit d'y jouer vraiment dans son enfance. Il y avait quelque chose, il était en haut d'une armoire, il n'arrivait pas à l'atteindre. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qu'il n'arrivait pas à atteindre. Et ça a créé aussi un... C'était un harmonica. C'était ça, alors voilà. Ouais. Et que, sans doute, cette frustration aussi de pas pouvoir utiliser cet instrument alors qu'il en rêvait, a dû développer, c'est comme une forme d'ennui quelque part, c'est l'ennui de pas pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, de pas pouvoir... Mais je pense que tout ça, moi, j'ai vécu enfant aussi, j'ai eu le sentiment aussi que c'était un peu une salle d'attente, mon enfance, même si j'ai pas eu une enfance malheureuse, mais je savais aussi que je devais dans ma vie faire quelque chose de différent, voilà. J'allais devoir quitter ma province pour la Paris, voilà, c'était tout ça, je savais que je voulais faire de la musique. L'ennui, ça se gère, c'est quelque chose qu'il faut gérer et accepter avec une forme de sagesse et le rendre fécond. Bien sûr. Bah merci à tous les deux d'être venus dissiper l'ennui ce matin, en tout cas pendant une heure. Chloé Mons, le livre dont je parlais, que vous avez écrit, s'appelle Let Go, on le trouve aux éditions Mediapop, et donc c'est la description des dernières heures de la vie d'Alain Bachung, et puis le début de la vie après Alain Bachung. On y trouve aussi des photos qui sont bouleversantes, des photos de son cercueil. Enfin, vous n'épargnez rien, vous n'épargnez pas le lecteur. Non. Et c'est très émouvant. Merci Dorian aussi d'être venu en parler ce matin. Les deux titres que vous avez écrits pour Alain Bachung sont disponibles dans son dernier album, En Amont, hein, qui est sorti l'an dernier. On se quitte avec une chanson qui n'est pas d'Alain Bachung, une chanson qui vous était chère, je crois, Chloé Mons, avec Alain Bachung, et vous la citez dans votre livre, c'est Neil Young, Harvest Moon. Ah oui, c'était une de nos chansons. Come a little bit closer, hear what I... Just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous nous parlez de Nietzsche. Eh oui Adèle, car Nietzsche connaît en ce moment une actualité brûlante. Pas moins de 3 livres de lui viennent de paraître. Le 5e volume de ses correspondances, la publication inédite de la totalité de ses poèmes et enfin une réédition de 3 de ses œuvres en Pléiade avec des traductions révisées et des présentations renouvelées. L'occasion de découvrir et redécouvrir des textes du philosophe allemand moins connu, voire jamais dévoilés. L'occasion de voir à quoi ressemble un Nietzsche poète, un Nietzsche au quotidien, mais surtout un Nietzsche en pleine transformation. On appelle esprit libre celui qui pense autrement qu'on ne s'y attend de sa part, en raison de son origine, de son milieu, de son état et de sa fonction, ou en raison des opinions régnantes de son temps. Il est l'exception. Les esprits asservis sont la règle. Ce que ceux-ci lui reprochent, c'est que ces libres principes, ou bien ont leur source dans le désir de surprendre, ou bien permettent même de conclure à des actes libres, c'est-à-dire de ceux qui sont inconciliables avec la morale asservie. Entre la fin des années 1870 et le tout début des années 1880, Nietzsche connaît une période de crise. C'est la fin de son amitié avec Wagner et la maladie qui s'installe profondément. Les trois livres rassemblés dans ce deuxième volume de la Pléiade en témoignent. Humain, trop humain, dont on vient d'entendre le début, Aurore et Le gai savoir sont comme trois étapes dans la crise de ses effets subis, à son issue sous forme de renaissance, de victoire sur l'hiver, en passant par son diagnostic. Plus qu'un simple passage, cette crise entre 78 et 82 est ainsi dans le parcours de Nietzsche un tournant. Plus qu'une période intermédiaire, la crise, toute crise même, prend ainsi dans l'œuvre de Nietzsche une force inattendue et un sens décisif. Et nous pousse à interroger cette question même du tournant, de la révolution, de la crise chez un penseur. Quel statut lui donner ? Comment lire chez un philosophe ces textes liés et écrits à des tournants ? Quelle place donner à l'écriture en crise, qui s'écarte de ce qu'elle était au départ tout en se cherchant ? Qu'il s'agisse de philosophie en tant que telle, de poésie ou de lettres échangées, comment appréhender les traces, la matière, les fruits aussi de ce qui constitue une crise chez un auteur ? Dans une lettre datée de 1885, Nietzsche évoque les traces persistantes de la maladie qui l'empêche de se confier. Il mentionne ainsi ses propres paroles qui semblent avoir d'autres couleurs que celles des autres personnes. Dans un poème intitulé « Le mot », il écrit, je cite, « Je suis amateur d'un mot bien vivant, qui fait des gambades joyeusement, qui salue de la nuque avec souplesse et charmant jusque dans sa maladresse. » Sans oublier enfin cette phrase, extraite du Voyageur et son ombre, « Chaque mot est un préjugé ». À lire Nietzsche, la première chose à prendre en compte dans la crise est la manière dont elle bouleverse le langage. Pour lui, ce sera le choix d'un style d'écriture, l'aphorisme, soit le fragment qui fait partie d'un tout, qui renvoie une totalité, mais qui a une vie autonome, possède une consistance et des tensions en lui seul. Lorsque ce sont les états de détresse qui fondent la philosophie, comme chez tous les penseurs malades, et peut-être y a-t-il une majorité de penseurs malades dans l'histoire de la philosophie, qu'adviendra-t-il de la pensée qui se trouve soumise à la pression de la maladie ? Voilà la question qui importe pour le psychologue. Et ici, l'expérimentation est possible. Exactement comme le fait un voyageur qui projette de s'éveiller à une certaine heure et s'abandonne ensuite calmement au sommeil. De même, nous, philosophes, à supposer que nous tombions malades, nous nous livrons momentanément corps et âme à la maladie. Se livrer corps et âme à la crise comme on se livre à la maladie, tel est le credo de Nietzsche. Et aussi ce qu'il faut entendre et donner comme place à la crise chez tout penseur. La crise n'est pas qu'un accident de parcours, mais une mutation de laquelle la pensée sort transformée. Dans la crise nietzschéenne, en même temps que le bouleversement du langage, il y aura ainsi l'élaboration d'une nouvelle orientation philosophique, avec l'apparition de deux concepts cruciaux chez lui, la volonté de puissance et l'éternel retour. Mais comment prendre la mesure de la crise sur le moment ? Comment évaluer cette mutation quand elle n'est pas encore achevée ? Il y a ce risque d'être noyé, d'être sans repère ni valeur pour celui qui vit la crise comme pour celui qui y assiste. Mais comme nous l'apprend Nietzsche, c'est un risque à prendre sous peine de manquer d'intensité. Merci beaucoup Géraldine. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le titre des ouvrages dont vous nous avez parlé aujourd'hui ? Il y a donc trois ouvrages. Le volume 5 de la correspondance de Nietzsche s'est paru aux éditions Gallimard. Un volume complet des poèmes de Nietzsche, c'est inédit, c'est traduit par Guillaume Métayer. Et enfin, le volume 2 des œuvres de Nietzsche en Pléiade, c'est une édition publiée sous la direction de Marc Delaunay avec la collaboration de Dorian Astor et c'est donc aux éditions Gallimard. C'est noté, merci Géraldine. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Elsa Le Saulnier, Isis Jourda, Colomba Grossi, Géraldine Bosna-Savoie, Anaïs Isbert qui m'aident chaque jour à préparer cette émission, Nicolas Berger qui réalise cette série d'émissions cette semaine, aujourd'hui aussi Antoine Vuillose de la discothèque de Radio France qui nous a aidé à sélectionner les musiques que vous avez entendues, à Jordan Fuentes qui était à la prise de son ce matin. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Profession Philosophe qui vous emmène chaque vendredi à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Demain, nous serons en compagnie du philosophe Paul Preciado. D'ici là, pour réécouter cette émission sur Bachung, ainsi que toutes celles qui précèdent autour de la thématique du rêve, sachez que c'est facile et que c'est très simple. Vous vous rendez sur le site de France Culture, vous réécoutez chaque émission en ligne ou bien vous les téléchargez, vous les podcastez pour les écouter où vous voulez et quand vous voulez, à volonté. À demain, 10h sur France Culture. D'ici là, restez à l'écoute.